cours numéro 12. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salat wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-'allama al-Sheikh Hamoud al-Tuwayjiri rahimahullah ta'ala faslun. وقد ورد النهي عن مجامعة المشركين ومساكنتهم في ديارهم والتغليظ في ذلك لأن مجامعتهم ومساكنتهم من أعظم الأسباب الجالبة لموالتهم وموادتهم والأحاديث في ذلك كثيرة. هذا الفصل رحمه الله تعالى إلى سيتي اون كوز بل اون دي برينسيبال كوز qui pousse al-mu'min à aimer al-kafir, à le prendre comme allié, comme ami, et à tomber dans beaucoup de mukhalafat, iyadan billah. Falihada, Allah subhanahu wa ta'ala naha an al-iqama fi bilad al-mushrikin, wa al-rasul sallallahu alayhi wa sallam naha kadhalik, kama jaa fi ahadith kathira, que الشيخ تويجري لا سيتي هنا. الله سبحانه وتعالى avant de citer les hadith, on peut citer قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. تأمل قوله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم, أي هؤلاء Allah subhanahu wa ta'ala wasafahum bil-dhulm. Ils ont été injustes envers eux-mêmes. Ils ont commis une injustice envers eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, haoula? Qala azza wa jal, qalu fima kuntum. Ay, al-malaika yaqulun li haoula fima kuntum. Et quand ils reprendront leurs âmes, ils diront à haoula fima kuntum. Et qu'est-ce que vous avez fait, vid dunya? Qalu kunna mustad'afina fil-ard. مستضعفين أي on était des du'afa في الأرض. On ne pouvait pas faire telle chose, لماذا؟ لأننا on était faible في الأرض quand on était vivant. قالوا أي الملائكة ils répondront قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Ça nous montre que la solution elle existe. صحيح أن tu peux te retrouver dans un endroit et tu as du mal à appliquer ton din à cause des ennemis de l'islam. Est-ce que c'est une excuse? C'est pas une excuse si l'insan il peut se déplacer. Ça nous montre en al-hijra la deux conditions. Bien sûr la sincérité. Lakin pour pouvoir la faire ou pour qu'elle soit obligatoire, deux conditions. Al-qudra. Qala, on répète, qala kunna, j'ai oublié le deuxième chart. Qala kunna mustad'afina fil ard, qala alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. ماذا كيزكي احسنت هذاك جو شيرشي اي كو جي اوبليي القدره اولا وثانيا que tu ne peux pas appliquer ton din si tu as la qudra de te déplacer et tu ne peux pas appliquer ton din ces deux choses فالهجره هي واجبه فتامل قوله عز وجل قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فقولوا كنا مستضعفين في الأرض ça montre la condition là ils pouvaient pas appliquer leur din donc c'est une obligation si tu peux pas appliquer ton din في بلاد الكفر tu dois te déplacer قولوا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ça montre qu'ils pouvaient se déplacer فلهذا les anges ils leur ont dit la terre d'Allah elle est vaste pourquoi vous êtes pas déplacés. ثم الله سبحانه وتعالى إلى سيتي أهل الأعذار أو إلى سيتي العقاب للشاتيمون ثم الله سبحانه وتعالى إلى سيتي ceux qui ont une excuse قال عز وجل فأولئك مأواهم جهنم هؤلاء leur refuge ça sera l'enfer وساءت مصيرا إلا الله سبحانه وتعالى إلى سيتي ceux qui ont une excuse إلا المستضعفين من الرجال والنساء إلى آخر الآية ça montre أن celui qui a une excuse qui ne peut pas se déplacer. Il n'a plus de papier, il n'est pas capable, comme les femmes, comme certains hommes, comme les vieilles personnes. S'ils ne peuvent vraiment pas se déplacer, ils sont excusés, indallah. Et ils font attention, et ils font des efforts pour ne pas se mélanger avec le kuffar, ila akhir. كذلك ceux qui peuvent appliquer leur din, فالهجرة n'est pas obligatoire. لكن هذا في الواقع tu peux pas appliquer ton din في بلاد الكفر. خاصة cette époque où on vit. لأن appliquer son din ça veut pas dire faire salat فقط. Appliquer son din ça veut pas dire porter le hijab فقط. حتى هذا الآن يحاربون المسلمين. Tu peux plus faire salat dans la rue, tu peux plus porter le hijab dans les lieux publics. حتى هذا يحاربون المسلمين فيه. لكن tu fais salat chez toi au masjid, ils peuvent pas te l'enlever. هذا pour l'instant. لكن إظهار الدين c'est plus vaste. إظهار الدين c'est appliquer التوحيد, c'est appliquer tout ce qu'on a vu dans ce livre. من براءة وبغض et leur montrer أنهم ils sont à la batil. هذا ربما الآن في بلاد الكفر tu dis une chose, tu critiques les homosexuels الفجار ou tu critiques اليهود الأشرار ou tu critiques la démocratie, ta route, la laïcité, etc. Probablement, ils te feront beaucoup de mal. Tu ne peux pas appliquer ton dîn. Sans parler de l'adhan, sans parler de l'aïd, sans parler de l'hijab, sans parler le mal pour les enfants, sans parler les accusations, sans parler... Comme on l'a dit avec l'ikhwa, je pense que maintenant, il dit que tu peux appliquer ton dîn. Quelqu'un qui a la raison, qui a un minimum d'objectivité insaf, je ne pense pas qu'il... que واحد يدل ان tu peux appliquer ton din illa ba'd az-za'irin ou ba'd ils en profitent هناك ils en profitent niveau argent ila akhir fa ils se mentent à eux-mêmes wa illa fa al-haqq il est واضح. ثم Cheikh Hamoud rahmatullah alayh il a cité plusieurs hadith pour montrer l'interdiction de vivre fi bilad al-kufr et ces hadith كذلك. Si c'est interdit de vivre en Fibl al-Kufr, enfin c'est des hadiths pour montrer l'obligation de faire al-Hijra. Ou al-Hijra, hiya al-intiqalu min bilad al-Kufr ila bilad al-Islam. C'est ça, al-Hijra. C'est le fait de se déplacer, de délaisser un pays où tu ne peux pas appliquer ton din pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu te diriges vers un pays où tu pourras appliquer ton din pour Allah azza wa jal. Qala al-hadithu al-awwal. منها عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله رواه أبو داود ورواه الترمذي معلقا بصيغة الجزم فقال وروى سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. هذا الحديث certaines chaînes de transmission فيها ضعف لكن il y a beaucoup de hadith dans ce sens avec beaucoup de chaînes de transmission et là chaque il y a aucun doute que le hadith il est ثابت. Cheikh Al-Albani رحمه الله il l'a hassan comme في الحاشية dans son livre Sahiha numéro 2330. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا. قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه أي البخاري ومسلم. وقال الذهبي في تلخيصه على شرط الشيخين. وظاهر هذا الحديث العموم لكل من جامع المشركين وسكنهم اختيارا منه لذلك لا اضطرارا وعجزا. نعم لعل هذا من كلام الإمام الذهبي رحمه الله. ظاهر هذه الأحاديث c'est العموم أي ça englobe tous ceux qui vivent عند المشركين cette menace et هذا الوعيد فهو مثلهم أي il est comme. هذا ça englobe tous ceux qui vivent عند المشركين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جامع المشرك وسكن معه. Et من c'est من ألفاظ العموم comme on verra بإذن الله عز وجل bientôt dans notre درس de الأصول. من c'est من ألفاظ العموم je peux traduire par tous ceux qui habitent avec les مشركين. فمن c'est من ألفاظ العموم إلا sauf ceux qui ont une excuse, en se basant sur le verset, illa al-mustad'afina min al-rijali wal-nisa wal-wildan. Ceux qui ont une excuse, là, chaque. Et celui qui a une excuse, est excusé. Lakin, il faut définir c'est quoi une excuse. Une excuse, ce n'est pas le travail. Une excuse, ce n'est pas j'ai pas de telle chose dans le pays musulman, j'ai pas ouvert mon entreprise, j'ai pas acheté ma maison. Ce n'est pas des excuses. Kadhalik, j'ai grandi dans ce pays, ce n'est pas une excuse. Kadhalik, certains membres de ma famille sont dans ce pays, ce n'est pas une excuse. Al-Hijra, ça il faut bien le comprendre. En Al-Hijra, il faut faire des sacrifices. C'est pour ça que c'est une ibadah azim. Et fal-haqiqa, elle est simple que pour ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala il l'a facilité. Fal-yadha al-insan, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq, wal-sadat, wal-i'ana. Ceux qui n'ont pas encore fait l'hijra, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur facilite azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le karim, c'est le rahim, c'est le wahhab, comme taqaddam ma'ana dans notre dars sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'insan, il demande à Allah Azza wa Jal qu'il lui facilite. Et celui qui a fait le hijra, qui s'est installé dans un pays musulman, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Faire le hijra, c'est une chose. Et patienter et mourir en terre d'islam, c'est une autre. Et ne jamais oublier que l'a'mal, c'est bil khawatim. Sera jugé sur quoi tu mourras. Enfin, on n'est pas à l'abri de retourner vivre dans le kufr. Wa nas'alullah azza wa jalla as-salama wal afiya. كذلك ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité, ils aident leurs frères. La plupart qui vivent hunak, on parle de ceux qui connaissent la hijra et qui veulent quitter bilad kufr. Fa'oula, ils savent qu'ils sont en danger, ils savent que c'est grave de vivre hunak. Enfin, on n'a pas besoin de rajouter certaines choses pour les décourager. Là, nous, on doit essayer de les encourager, leur montrer les bienfaits de vivre dans un pays musulman, les aider si on peut. Tu peux les aider maddiyan avec de l'argent, ou autre, tu peux les aider ma'nawiyan en les encourageant. En les encourageant. Kadhalik avec du'a. Fahada, c'est ça qu'on peut faire, nous, pour nos frères. Nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq lil jami'. On revient au hadith, qawluhu. Man jama'a al-mushrik wa sakana ma'a. Jama'a, ça vient de jama'a. Aïe, le fait d'être ensemble. Wa sakana ma'a. Al-sakan, c'est les habitations. Aïe, vivre. Ma'a. Fa innahu mitlo. Il est comme lui. Al-imam ibn Taymiyyah, rahimahullah, lahu kalamun jamil, fi kitabihi iqtida as-sirat al-mustaqim. Celui كذلك, qui veut faire la hijra ou qui a déjà fait la hijra, lakin, comme taqaddam ma'ana, il faut qu'il fasse les causes pour qu'il reste dans ce pays musulman, falyaqra mithla hadhihi al-kutub, bien sûr avec le Coran al-Karim, et en méditant sur les sens. Et ce genre de livre, Iqtida as-sirat al-mustaqim, il montre la gravité de vivre inda al-kuffar, il montre la gravité de leur ressembler, il montre le mal que les kuffars ils ont. فلا شك أن العلم سعيد العلم سعيد celui qui fait des efforts في العلم فالحقيقة سفاليدي plus tu vas avancer في العلم bien sûr faut mettre en application ton iman il montre à أخي الكريم et tu verras que tu feras tout pour ne plus vivre avec هؤلاء فاسمع هذا الكلام قال رحمه الله المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب هذا الكلام طبعاً c'est en plus, il n'est pas cité dans le livre. قال المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة. Le fait de ressembler à une chose, à une personne, en apparence, ça va pousser à une ressemblance dans le cœur. قال فمساكنتهم. تأملوا للين الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لماذا قال هذا pour montrer أن celui qui vit avec les kuffars لا شك أنه il va voir des choses il va entendre des choses ses enfants c'est encore plus grave لماذا لأن l'enfant il est touché par son entourage l'enfant il connaît pas au départ cette chose elle est bonne elle est mauvaise c'est un kafir c'est un musulman il est touché par tout ce qu'il voit tout ce qu'il entend la preuve l'enfant il entend un mot il le répète. Il voit une chose, il veut faire pareil. L'enfant, il n'a aucun tamiz, c'est pour ça que c'est un enfant. L'adulte, kadhalik, il est touché. قال Donc si tu as compris cette comparaison, قال فمساكنتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابتهم في الأخلاق والأفعال. Si l'insan il vit avec le kuffar, مساكنتهم في الظاهر, ça veut dire il habite avec eux et il vit avec eux tous les jours. فهذا قال, c'est une cause ومظنة, c'est une cause ومظنة, et il peut tomber à cause de ce rapprochement fi mushabahatihim fi al-akhlaq wal-af'al al-madhmouma qal bal fi nafs al-i'tiqadat. Celui qui vit avec eux, le chèque il a ouvert une porte. Limadha li anna, Cheikh l'Islam son kalam il est plus long et il a détaillé, celui qui vit avec un qawm il le ressemble. تقدم معنا بل il a montré celui qui fréquente certains animaux, il sera touché. Celui qui vit avec des chameaux, il aura un caractère différent de celui qui s'occupe de veaux ou de vaches. هكذا celui qui vit avec des gens du nord, il sera pas comme celui qui vit avec des gens du sud. Celui qui vit avec les koufars, il sera pas comme celui qui vit avec des musulmans. لكن هنا ça peut aller très très loin. لماذا لأن le fait de les côtoyer, de se mélanger avec eux, là, chaque tu seras touché par leur comportement. أولاً. ثم قال الأفعال ثانياً par leurs actes et كذلك par leurs croyances. كم من مسلم والله بعضهم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ils étaient في المملكة العربية السعودية. Des étudiants. Et تعلمون أن les programmes هناك c'est basé sur التوحيد. Il y a beaucoup de choses qui parlent de sunna. Il y a du khair كثير. Ces jeunes ils étaient على هذا الخير. Bien sûr avec des faiblesses. Ils sont partis étudier في بلاد الكفر. Ils ont changé. Bel ba'dhum, ils ont délaissé le din. Ils ont délaissé les mains, les anoums, ils ont vu des choses, ils ont assisté à des choses, ils ont côtoyé des gens, ça a touché leur cœur. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. Celui qui se mélange au kuffar et qui habite avec eux, il est comme eux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre hadith قال من تشبه بقوم فهو منهم. Quand il dit, mais j'habite avec eux, je ne leur ressemble pas. T'as un mal kalam, cher l'islam. Tu ne leur ressembles pas, tu le crois, même si en apparence, tu ne leur ressembles pas, forcément tu seras touché. Imma le comportement, imma certaines paroles, imma certaines pensées. Imma encore, ça peut aller plus loin, iyadun billah. Et al-hadar, huna, une fa'ida pour nous motiver à faire la hijra et à patienter vi bilad al-muslimin, ne crois pas que tu seras à l'abri. Ça, c'est minash shaitan. أعلم منك وأتقى منك ils ont glissé في هذا الباب. Celui qui se pense qu'il essaye de se rassurer, mana là je ne leur ressemble pas, je ne me mélange pas avec eux, et il pense qu'il est à l'abri là. Là là. خاصةً si tu as une famille et des enfants, هذا c'est أشد. قال رحمه الله فيصير مساكن الكافر مثله. C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم قال فهو مثله, il est comme lui. قال ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم. Et ça c'est معروف à toutes les époques et tous les lieux, أن les êtres humains quand ils se mélangent et ils se côtoient, هذا il déteint sur هذا et هذا il déteint sur هذا. Ça c'est connu. Tu trouves بعض الناس ils avaient des origines de tel pays et ils ont grandi dans un autre pays, ils vivent et ils parlent et ils mangent et ils se comportent comme les gens de l'autre pays, alors qu'il ne fait pas partie d'eux à la base. L'insan yata'athar, wala shak. Qala, wali ajli hadha al-asl, waqa'a al-ta'athar wa al-ta'athir fi bani Adam, waqtasaba ba'duhum akhlaq ba'd bil-mu'ashara wal-mushakala. Thumma qal, et on conclut avec hadha al-kalam, kama ra'ayna, hadha la parole de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qala kama ra'ayna al-muslimin, الذين أكثر من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. Ça c'est témoignage d'un imam. Imam qui avait beaucoup d'ilm et qui connaissait la situation des gens avec son ilm, son expérience. فقال, il a observé أن المسلمين qui ont grandi, qui ont vécu avec les juifs et les chrétiens, ils avaient beaucoup moins de foi que les musulmans qui vivaient dans les pays musulmans. Wa hadha la shak wa la ray. Il n'y a aucun doute. Tastafid min hadha. Awwalan, anna qawlahu alayhi salatu salam fa innahu mitlu, c'est pas du takfir. Ne pas comprendre en celui qui vit avec al-kuffar, annahu c'est un kafir comme lui. Fa innahu mitlu, c'est une porte ouverte pour qu'il devienne comme lui. Ou le ulama cite un autre معنى, fa innahu mitlu fi ba'd al-umur. C'est pour ça que kalam cheikh al-islam huna il est muhim. Al-Ba'ad qui ont vécu ou qui vivent avec les Yahoud ou les Nasara, tu le vois. Prends les enfants des musulmans, et on le voit là, pendant les vacances quand on côtoie certains enfants qui vivent fi bilad al-kufr, c'est pas comme les enfants qui vivent fi bilad al-islam. Abadan. La langue bien sûr c'est pas la même, le comportement c'est pas le même, plein de choses. Tu prends faqat comment ils s'habillent. Tu trouves ceux qui vivent fi bilad al-kufr, ils se dénudent très facilement. Même, on ne parle pas des adultes, on parle des enfants. Fi bilad al-muslimin, tu trouves annahum, ils ont de la hishma akthar. Regarde le comportement d'un enfant, khasatan bilad al-arab, qui a grandi ma'a al-muslimin, le comportement qu'il a avec les adultes, et regarde wahed qui a grandi fi bilad al-kufr. Tu verras que ce n'est pas la même chose. Les femmes, kadalik, ce n'est pas la même chose. Les hommes, kadalik, ce n'est pas la même chose. Il y a une énorme différence avec les faiblesses qu'il y a fi bilad al-muslimin, il a akhri. Lakin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Hada c'est très très important. Mathalan fi bilad al-muslimin al, beaucoup de masa'ib qu'il y a fi bilad al-kufr, l'islam de France et toutes ces choses, il n'y a pas fi bilad al-muslimin. Bien sûr qu'il y a des faiblesses fi hada al-bab, ba'dhum ils ont des tendances à changer l'islam dans certaines choses, lakin c'est pas comme bilad al-kufr. Ça ne va pas à ce point-là. Tu trouves le musulman fi bilad al-muslimin avec son égarement, il a certaines limites. Amma hunak, ces limites, il les enlève. Et ba'd al-muslimin ta'atharu. Jiddan. Jiddan. Et fi bilad al-muslimin, tu as le choix. Tu as le choix dans beaucoup de choses. Il y a du shar, bien sûr, il y a des mauvaises choses. Lakin, il y a beaucoup de bonnes choses. Et celui qui arrive à faire les choix et qui fréquente les bonnes personnes, alhamdulillah, il est préservé dans beaucoup de choses. Et même si tu es touché par certaines choses dans bilad al-muslimin, tu n'es pas responsable. Si tu as fait le hijra, tu as fait les efforts, il y a certaines faiblesses dans certaines choses, un tas, tu ne peux pas changer tout le monde. Un tas, tu as fait ton devoir, ton obligation. Amma fi bilad al-kufr, c'est un ordre que tu dois quitter. Ta'ammalu hadha al-wa'id. Ça, c'est qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'un musulman, là, qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime son messager, qui aime din, est-ce que tu accepterais, Akhil Karim, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqoul ou que tu es comme al-Yahoud ou al-Nasara? On n'accepterait pas. Ça nous ferait beaucoup de mal. Fata'ammal al-Hadith. Si tu vis avec ha'oula, tu fais partie de ceux que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné man jama' al-mushrik. Si tu fais partie de ha'oula, ittaqillah. Fais des efforts. Et on conseille souvent nos frères, on a la première étape pour le hijra. C'est de ne pas rejeter. Ba'adouhum, iyadam billah, à cause des passions, à cause de l'hawa, à cause de du'at al-dhalal, le hukm aslan, ils le rejettent. Ils disent là, y'a khilaf. Aoula, dans ma ville, il y a un masjid, je côtoie des frères. Ba'adouhum, iyadam billah, encore plus grave, ils disent là, c'est les pays des musulmans, c'est pire. Aoula, ils sont de plusieurs catégories. Imma, c'est des ignorants. Imma, ils essayent de se rassurer. Imma, c'est des égarés, iyadam billah. Ba'dhum c'est des ignorants, ba'dhum c'est des faiblesses, ils essayent de se rassurer, et ba'dhum c'est de l'égarement. Al-Imam Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, fi tafsirihi, عند الآية, qu'on vient de citer, min surat al-Nisa, il a rapporté l'ijma', l'unanimité des savants sur l'obligation de la hijra, avec les conditions, qu'il ait la capacité de se déplacer, et thaniyan, qu'il ne peut pas appliquer son din fi bilad al-kufr. La condition que tu ne peux pas appliquer ton din en France, matalan, Allah Alam, il y a unanimité entre nous. Ma Abdul Wahad, il va dire de nos jours, tu peux appliquer. Je parle des frères qui sont à la sunna ou l'ahil an. Amman munharifoun abdullal, ceux qui essayent de plaire aux kuffar, fahaoula, ils sont dans un égarement clair. On ne prend pas en compte leur qawl. Amma ahl sunna ou l'ahil an, il y a unanimité, tu ne peux pas appliquer. Baqi, il y a la deuxième condition, la capacité. La capacité. L'insan qui est capable, yattaqillah, yattawakkal ala Allah, et il fait le dua, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq. Fahada ma'na hada al-hadith. Al-hadith al-thani an Jarir ibn Abdillah radiyallahu anha anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala ana bari'un min kulli muslimin yuqim bayna adhuri al-mushrikin. Qalu ya Rasulallah, لما قال لا ترى ناراهما ناراهما رواه أبو داود والترمذي بهذا اللفظ. وهكذا هذا الحديث. Il y a plusieurs chaînes de transmission. Il en a cité quelques-unes. هنا أو لا. Il a cité une autre رواية عن الطبراني. Et le hadith صححه الإمام الألباني في الإرواء. On répète, قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. C'est la même chose. Tu vois un عموم هنا. قوله من كل مسلم. Ça englobe tous les musulmans qui vivent dans un pays de kufr. Sauf bien sûr ceux qui ont une excuse. L'excuse elle est citée dans le verset. Ceux qui ne sont pas capables de se déplacer. Et ta'ammal al-wa'id. Ana bari'un. Et on repose la même question, Akhi al-Karim, est-ce que tarda li nafsik anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yatabarra mink, il se désavoue de toi. Ana bari'un, il était vivant alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa tabarra min kulli muslim qui vit avec al-kafirin. قال ورواه الطبراني في الكبير والبيهقي في سننه ولفظهما من قام مع المشركين فقد برأت منه الذمة. Ils ont posé la question à l'allama Cheikh Salih al-Fawzan, حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير, عن نوع البراءة. C'est quoi le sens de أنا بريء؟ لأن البراءة ça peut être براءة من كفار. مثلا نحن نتبرأ من الكافرين, نتبرأ من الكافرين. والبراءة تقدم معنا. C'est fondé sur la haine, le fait de le détester, ne pas l'aimer, l'éloigner, il a akhir. Ils ont demandé à Cheikh Al-Fawzan, ma'na hadhihi al-bara'a fi hadha al-hadith, fa ajaba hadha ma'naha al-wa'id. Hadha ma'naha al-wa'id. Laysa ma'naha annahu kufrun, lakin wa'id. Ne pas comprendre min hadha al-hadith, et c'est comme le hadith précédent, annahu c'est du takfir. Ay anna ha'oula qui vivent مع الكفار, c'est des kuffars. Là. Lakin hadha, أهل العلم يقولون, c'est min bab al-wa'id. Et c'est une menace. Et c'est pour que tu fasses attention. Wa illa fa, si ce muslim, ça reste un muslim, il prononce shahada, c'est un mouahid, il fait salat ila akhir, c'est un muslim. Lakin, qawluhu ana bari'un, c'est une menace. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te montre, fais attention. كذلك on revient au hadith précédent, أن celui qui vit هناك فربما عيادا بالله, il peut tomber dans certaines choses, dans certaines croyances qui le font sortir de l'islam. Et لا شك أن البراءة هنا ça sera la براءة contre un كافر عيادا بالله. فالإنسان يحذر. العلماء يذكرون أن من أسباب الردة, parmi les causes qui font sortir l'insan de l'islam, il y a beaucoup de causes, et parmi une de ces causes, c'est quoi? C'est le fait de vivre avec des kuffars. لأن الإنسان يتأثر بجليسه. الأرواح جنود مجندة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. On a cité souvent la parole à الصاحب ساحب. الصاحب ساحب. Celui que tu vas fréquenter, il va t'attirer. لابد الإنسان il est touché. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على الدين خليله. C'est pour ça que tu trouves الآن بعض المسلمين qui vivent عند الكفار, ils ont des amis كفار كما تقدم. Ils vivraient dans un pays muslim, ils n'auraient pas d'amis كفار. En général, في بلاد المسلمين, la grosse majorité des habitants, c'est des musulmans. Tu trouves des كفار dans certains endroits, des touristes, il a آخر, ils n'ont aucune relation avec les musulmans, إلا قليلا. Mais la majorité des musulmans, alhamdulillah, ils se marient avec une musulmane, il a un ami musulman. À l'école, c'est des musulmans, au masjid, c'est des musulmans. Fi bilal kufr, là, tu trouves, بعضهم, ils ont placé leurs enfants à l'école, l'enfant, il a un ami kafir. Robama, il grandit comme ça, il garde contact avec lui, va lui dire après là, c'est un kafir. Robama, il te dit là, c'est mon ami, iyadun billah. Robama, il est absorbé. Ben, Robama, il choisit de faire les mêmes choses que lui, de suivre le même dîn que lui. Et c'est ça la gravité. À la kulihal, on retire de ce hadith un wa'id, une menace. De la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ana bari'un. Ay, le ma'na c'est ihdharu. Faites attention de ne pas vous mélanger avec ha'oula. Fa inni bari'un min kulli muslim ila akhir. Qala al-Fadl ibn Ziyad, sami'tu Ahmad رحمه الله تعالى يسأل عن معنى لا ترى ناراهما في الحديث مر معنا هذه اللفظة كأنه مرت معنا لا لا تساكن المشركين نعم لا الحديث نعم أحسن قالوا يا رسول الله لما قال لا ترى نارهما نعم سجستو تسجونا ما انتبه فإذن دموند على الإمام أحمد ما معنى ذلك لا ترى نارهما أي كالخفو نسوي با لماذا لأن على الوقت c'est pas comme aujourd'hui il y a de l'électricité à l'époque c'était avec le feu il s'éclairait avec le feu et il cuisinait il a akhira avec le feu فالنبي صلى الله عليه وسلم il a donné un ضابط et ça veut dire quoi ne pas se mélanger avec eux تعلمون à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم il n'y avait pas de frontières comme aujourd'hui il a akhira mais aujourd'hui c'est clair les pays musulmans ils sont délimités avec des frontières des papiers il a akhira amma À l'époque, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné ce dhabit, « La tara anarahuma ». Et « Anta, tu ne vois pas son feu, et lui, il ne voit pas ton feu ». Ça, ça montre, « Irshad, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faut un éloignement. Il faut un éloignement, il faut vraiment que tu t'éloignes, hatta tu ne vois plus son feu. « Qala, la tanzil, fa qala, la tanzil min al-mushrikin fi mawdi' idha awqadda » رأوا فيه نارك أو قد تأي ستعلم تنفو أي إلا فوي وإذا أوقدوا رأيت فيه نارهم ولكن تباعد عنهم أي tu restes pas dans un endroit mais si tu allumes ton feu ils vont le voir ou si eux allument un feu toi tu vas le voir ça montre أنه il faut vraiment s'écarter d'eux et à notre époque c'est clair les pays musulmans ils sont connus et Bilal Kufr ils sont connus وقال ابن الأثير في النهاية on a déjà parlé de ce livre il est important Ce livre, c'est comme un dictionnaire qui explique Gharib al-Hadith. Gharib al-Hadith, hein, les mots qui ont besoin d'une explication dans les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a rassemblés et il les a expliqués. Enfin, il a expliqué, mais il est allé avec lui, قوله, فقد نعم لا ترى ناراهما. قال أن يلزم المسلم ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشرك ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح. وتظهر النار وتظهر لنار المشرك إذا أوقدها في منزله ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم نعم أي le sens est clair أي s'écarter des mouchriquins des kuffars et vivre avec les musulmans وإنما كره أي النبي صلى الله عليه وسلم مجاورة المشركين أو كره مجاورة المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا أمان وحث المسلمين على الهجرة Sahih. Et ça aide à accomplir la hijra et à patienter pour celui qui a fait la hijra. De savoir en hadha al-amr al-azim. Fi al-haqiqa c'est pour toi, c'est fi maslahatik wa maslahati awladik et maslahat dinik. C'est pour toi, c'est pour ton din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a interdit de vivre avec eux, de se mélanger à eux, c'est pour toi akhi al-karim. C'est pour ton dîn, c'est pour préserver tes enfants. لماذا كما قال ابن الأثير رحمه الله لا عهد لهم. Tu peux pas leur faire confiance, kuffar. Ils ont trahi Allah subhanahu wa ta'ala. خانوا الله ورسوله لا يؤمنون بكتاب الله ولا بنبيه ولا بشيء. Comment on peut vivre avec eux? Combien de musulmans qui ont eu des problèmes في بلاد الكفر jusqu'à aujourd'hui, بعضهم ils sont enfermés, بعضهم ils sont accusés, et ils ont goûté à هذا. Et pour elle-même, il se déplacerait. فالإنسان يحضر. Et ça nous montre كذلك أن هذه الدنيا المؤمن doit penser à son dîn. Pourquoi la plupart des gens ils vivent في بلاد الكفر Ou, on parle des musulmans, بعضهم ils veulent aller في بلاد الكفر. C'est pour la dunya. هناك, il y a plus de travail, il y a plus d'argent. Niveau soins médicaux, c'est plus facilité. Il y a des aides. Il y a des في بلاد المسلمين. Beaucoup de ces choses, il y a beaucoup moins. معنى الخير حاصل, لكن il y a moins, c'est clair. Vu que les gens ils sont attirés par الدنيا, ça les pousse à vouloir aller là-bas, ou rester là-bas, ou بعضهم, ils connaissent la gravité, لكن ils ont peur de quitter بلاد الكفر. لماذا? Ils ont peur pour les soins, ils ont peur pour leurs enfants, l'argent, ils ont des aides, ils vont arriver chez بلاد المسلمين, il n'y a rien de tout cela. N'oublie pas, أخي الكريم, ce point, الدين, هذه الدنيا. في بلاد المسلمين الآن on mange pas, on se soigne pas, on dort pas, on a ces choses, والله الحمد, même si c'est moins. لكن الدنيا, même si on est touché par certaines choses, نصبر. كما قال ابن القيم رحمه الله c'est une histoire de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques années. La dunya, ça passera très vite. On verra un jour on mourra la chaque. Et alhamdulillah, si on patiente à la hada, si on était sincère, on aura réussi. Mais idnillah azza wa jalla, wa nas'alullah al-thabat. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Amma bilal kufri, tu perds ton enfant. Même il est avec toi, il vit avec toi, chez toi, le même foyer, tu l'as perdu. Sahih, tu as perdu son cœur. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire s'il choisit leur dîn? Ou yata'athar bihim? Tu regretteras, akhil karim. Toi-même, tu n'es pas à l'abri. هذه المعاني لكلام de nos imams, ils sont طيبة. قال وإسناد الترائي إلى النارين مجاز من قولهم داري تنظر إلى دار فلان. نعم بعضهم يدي سيدي مجاز وتقدم معنا أن هذا من أسلوب العرب. داري تنظر إلى دار فلان. هكذا العرب يدي. مع maison elle voit la maison de l'autre. أي ça c'est une expression pour dire que les maisons elles sont très proches. قال أي تقابلها يقول نارهما مختلفان هذه تدعو إلى الله وهذه تدعو إلى الشيطان فكيف يتفقان صحيح كلام جميل une maison qui appelle à Allah et une maison qui appelle à الشيطان فكمان ils peuvent rester proches ça montre أن celui كما يقول كثير من العلماء أن celui qui déteste vraiment les kuffars qui connaît son din qui a un iman قوي il peut pas rester هناك. Celui qui reste honnête, c'est qu'il a des problèmes, il a des faiblesses. Et on a tous des faiblesses. Lakin, ceux qui n'arrivent pas à partir, il faut se remettre en question. C'est pour ça que As-Sahaba radiyallahu anhum, les quwwat imanihim, quand le verset il est descendu, ils ont fait le hijra avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont fait la al-Habasha, thumma ila al-Madina. Et كثير من المسلمين والله الحمد ils ont appliqué هذه العبادة العظيمة. قال وفي هذين الحديثين وعيد شديد لمن جامع المشركين وساكنهم اختيارا. تأملوا هذا القيد اختيارا. Il a le choix. Certains de nos frères, مثلا, ils ont plus de passeport. Ils sont accusés à tort et ça c'est من مكر الكافرين. انظروا الظلم. Le passeport il est retiré خاصة certains frères convertis qui n'ont qu'un passeport, et leur pays d'origine, c'est la France, مثلاً, et ils n'ont plus de passeport. Ha'oula, ils n'ont plus le choix. Ha'oula, yukthiruna min ad-du'a. Ils font du'a, ils patientent. Fa'hada qawluhu ikhtiyara. Namma celui qui a des papiers, il peut se déplacer, il a les moyens, il a akhiri. Ha'hada, c'est grave de rester là-bas. Qala falyihdhar al-muslimun al-muqimun bayna al-wathaniyin wal-murtaddin wal-nasara wal-majus وغيرهم من أعداء الله تعالى أن يلحقهم هذا الوعيد الشديد. Deux, on a deux وعيد. Le premier, فهو مثلهم, et celui qui vit avec eux, il est comme eux. Et le deuxième, أنا بريء, je me désavoue de ceux qui vivent avec les kuffars. On répète, أن هذا الوعيد, c'est pas du takfir. Là, ne pas comprendre, أن celui qui vit هناك, c'est un kafir, لماذا, لأنه il est comme les kuffars, et le prophète s'est désavoué de lui. Là. Ça, c'est une bible wa'id, c'est une menace. Et là, chacun, ça reste un musulman tant que c'est un musulman. Là, c'est très très grave. Et c'est une cause, iyadun billah, qui peut pousser à perdre son din. Voilà. Dhahab al-waqt. Et le prochain cours, on reprend, inshallah, à partir du troisième hadith. On a déjà fait plusieurs cours sur al-hijra wa lillahi al-hamd. الإنسان لا يقول أن vous parlez trop de هذا البعض يقولون هذا c'est une ni'ma il faut qu'on se rappelle هذا بين الحين والآخر de temps en temps on se répète هذا c'est طيب et on ne doit pas être dérangé par هذا الهجرة c'est une عبادة عظيمة elle est citée في القرآن le prophète عليه الصلاة والسلام il l'a fait بل كثير من الأنبياء إبراهيم وموسى وغيرهم عليهم الصلاة والسلام ils ont fait الهجرة c'est سنة الأنبياء. Et on doit s'encourager à هذا. Et on doit s'entraider. في هذا الخير والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.